En route vers la gloire. À Noël, papa est invité par son client principal et unique ami. Maman est coincée à l'hôpital, Faustine est seule. Mise au courant, Elisabeth la convie dans sa famille pour le réveillon du nouvel an. Sitôt les assiettes vidées, les deux femmes, passionnées par leur projet de collaboration, transforment la soirée en réunion de travail et dissertent sur les mille et une innovations qu'elles pourraient proposer à leurs clients. Comment leur faciliter la vie, les soulager des tracasseries administratives? Il y a là une grande palette de services à proposer, en partant de l'élaboration de la publicité jusqu'à la comptabilité. Les idées fusent, c'est la tempête dans les cerveaux. Robert, l'époux d'Elisabeth, est banquier. Lorsque Faustine lui raconte qu'elle a déposé une petite fortune sur son compte bancaire, il lui propose d'en récupérer une petite partie pour la faire fructifier. Faustine accepte volontiers. Au moins, elle n'aura pas à se creuser le ciboulot pour savoir que faire du reste de ses sous. Lorsqu'elle se couche aux petites heures du matin, elle n'a pas bu une goutte d'alcool, contrairement à ses os. C'est un bel exploit. Quand ils se séparent le lendemain, rendez-vous est pris. Lundi 6 janvier, pour le début d'une nouvelle aventure. Maman rentre à la maison. Finalement, ils ne l'opéreront pas. Lorsque l'inflammation a été résorbée, les problèmes l'ont été aussi. Si elle est contente d'être revenue chez elle, par contre, elle est furieuse que Faustine ait pris l'initiative de vider toutes ses bouteilles. Commence alors un jeu malsain de dépendance. Dépendance, codépendance, amour, haine, appel à l'aide et revendication de liberté. Faustine a l'impression d'avoir affaire à une adolescente révoltée. Elle comprend mieux ce que Maxime a souffert avec elle. Chez PST Service, le jour J, tout se met en place dans l'allégresse et l'effervescence. Faustine installe son matériel près de la fenêtre, dans la pièce où travaillent les apprentis, lesquels sont collés au standard téléphonique la plupart du temps. Le bureau d'Elisabeth se trouve de l'autre côté du couloir. Il n'y a pas la place pour deux postes de travail. Et il n'est pas bon non plus que les apprentis entendent toutes les conversations de la patronne. À tout moment, Faustine peut rejoindre son amie pour demander des précisions sur une affaire en cours. Présentement, il s'agit d'élaborer un montage publicitaire pour une marque de bière. Les deux femmes se partagent le travail. Faustine prend les 50 premières pages, Elisabeth les suivantes. Au moment de fusionner les deux, Faustine se rend compte que le résultat final est incohérent. La taille des caractères n'est pas identique, ni les tabulations. Quant à la mise en page, il faut tout refaire. Faustine y passe la nuit afin que le travail soit livré à temps. La jeune femme corrige aussi beaucoup de fautes d'orthographe dans le travail de sa consœur. Décidément, la frappe, la mise en page, l'orthographe et la syntaxe ne sont pas son fort. Elisabeth, confrontée à ces manquements, ne semble pas du tout s'en formaliser. Faustine insiste. Ce n'est pas du boulot, c'est se moquer du client. Premier clash. Elisabeth ne supporte pas la critique. Elle fond en larmes. Faustine est déstabilisée. Elle ne s'attendait pas à ce type de comportement de la part d'une consoeur expérimentée, présidente d'un club de femmes entrepreneurs. Il lui faudra deux bonnes heures pour rassurer sa collègue, qui déjà est persuadée qu'à peine commencée, leur collaboration est en danger. De fait, le premier mois s'achève sans résultat probant. Elisabeth est chargée de relancer les factures impayées au téléphone, mais elle ne s'y résout pas de peur de perdre des clients. Elle ne veut pas non plus que Faustine le fasse, au motif que cette dernière ne connaît pas les dossiers. Par contre, elle a trouvé quelques nouveaux contrats. Tout n'est pas forcément perdu. Dans l'ensemble, elle agit tout de même comme quelqu'un qui n'a pas besoin de gagner sa vie, ce qui est loin d'être le cas de sa nouvelle collègue. Parfois, à sa demande, Faustine fait un saut chez Zézé, son ancien employeur, pour donner un coup de main à sa remplaçante. Elle a ainsi l'occasion de la voir à l'œuvre et de constater son incroyable efficacité, bien meilleure que la sienne, somme toute. Un jour, elle surprend un entretien téléphonique musclé entre la nouvelle secrétaire et les collaborateurs d'Aubagne. Elle comprend alors que Zézé a largement gagné au change. Et elle en est heureuse pour lui. Fin janvier, Faustine rencontre enfin le médecin de maman. Celui qui l'avait laissé boire du vin à l'hôpital sans prendre en compte son problème d'alcoolisme. Son cabinet est situé rue de Bourg, la rue la plus chère et chicose de Lausanne. Monsieur le docteur est très posé, un brin arrogant, mais ne le sont-ils pas souvent? Il écoute patiemment Faustine, fait mine de la comprendre. Lorsqu'il prend la parole à son tour, loin de s'excuser de son incompétence vis-à-vis de maman, il s'intéresse à Faustine. Il la trouve un peu pâle, fatiguée, excessivement nerveuse et probablement dépressive, ce qui ne lui semble pas étonnant au vu de l'année qu'elle vient de vivre. Cure à orthèse, infarctus du beau-père, divorce, maladie de la mère. En conséquence, il suggère que Faustine suive rigoureusement le traitement qu'il lui prescrit et qu'elle revienne le voir dans un mois. Ainsi vont les choses. Faustine, lestée d'une ordonnance de 3 pieds de long, n'a pas le temps de dire « ouf » qu'elle entre dans une pharmacie et tombe dans le piège, les 2 pieds devant. Il suffit de quelques jours pour la rendre dépendante, et la discipline n'étant pas son fort, l'irrégularité des prises finit par bouleverser entièrement sa résistance psychique. Cela ne se voit pas immédiatement. Elle arrive à donner le change, mais il ne faudrait pas qu'un rouage se grippe. Dans le même temps, côté famille, ce n'est pas la joie. Maman va à la rencontre de gros chamboulements dans son travail. Il semblerait que le conseil d'administration du Centre catholique universitaire ait pris un virage à 180%. Bientôt, les 35 chambres destinées aux étudiants seront administrées par une gérance. L'entretien de l'immeuble sera effectué par une concierge et un intendant. Les animations, messes et aumôneries seront assurées par un prêtre catholique. Il n'y aura plus de cafétéria. Par contre, la cuisine sera à la disposition des étudiants. On y ajoutera des casiers et des cadenas. Les frigos seront compartimentés. Une entreprise privée s'occupera du linge de maison. Tout cela coûte bien moins cher qu'un salaire de directrice. En clair, d'ici quelques mois, maman n'aura plus de travail ni de logement de fonction. À 58 ans, il va lui être difficile de trouver un nouveau boulot, malgré toute l'aide et les recommandations promises. Dès lors, les incertitudes concernant son avenir lui sont difficiles à supporter, et les rechutes fréquentes. Papa, de son côté, a trouvé un appartement un peu plus loin sur le boulevard. Cependant, il n'est pas question qu'il reprenne la vie commune. Le couple est désormais légalement séparé. Financièrement, ils y gagnent. Bien sûr, ils restent bons amis et se verront encore plus qu'avant pour partager sorties et gueuletons. Une fois passé le choc, maman se réjouit de déménager. Pendant tout le mois de février, Faustine passe d'un état à un autre, tantôt très enthousiaste, tantôt déprimée. Chez Elisabeth, les choses n'avancent pas plus que ça. Bien qu'elle mette en place toute une stratégie publicitaire, la nouvelle recrue se rend bien compte qu'il faudra beaucoup plus que 2 mois de patience pour être payée de ses efforts. Aura-t-elle les reins suffisamment solides pour tenir jusque-là sans salaire? S'imaginent-ils tous, autant qu'ils sont, qu'elle peut vivre d'eau fraîche et d'eau fraîche? D'autant qu'Elisabeth refuse de partager ses soucis. A-t-elle quelque chose à cacher? Elle semble attendre avec impatience que Faustine débloque les 20 000 francs qu'elle estime nécessaires à la remise à flot de la société, et craignant, à juste titre, que cela n'arrive pas, elle laisse parler ses émotions. Cela se traduit par des crises de larmes et des envolées de reproches à la moindre anicroche. Faustine, de son côté, attend que le comptable de maman fasse son travail d'évaluation. Enfin, le verdict tombe. L'entreprise d'Elisabeth n'est pas fiable. Les dettes s'accumulent. Le carnet de commandes est au régime sec. En tous les cas, le rendement est largement insuffisant pour que 2 personnes puissent en tirer un salaire correct. Elisabeth arrive tout juste à couvrir ses frais de fonctionnement et les salaires des apprentis. Pour Faustine, investir ses deniers là-dedans serait une grossière erreur. Elle ferait mieux de créer sa propre entreprise ou de trouver un autre emploi à sa mesure, sans risque. Ni une ni deux, Faustine informe Elisabeth de sa décision de se retirer du jeu. Elle n'a plus les moyens de jouer les philanthropes. Si sa fortune avait été plus grande, elle aurait pu tenter un sauvetage. Mais là, c'est peine perdue. Avec la guerre du Golfe, la donne a changé. Cette fois, on est bel et bien sorti des Trente Glorieuses. Le monde des affaires est devenu impitoyable. Les progrès de l'informatique sont tels que le dernier crétin venu peut désormais se passer de secrétaire. Le courrier s'envoie électroniquement, les présentations PowerPoint se créent automatiquement, les voyages s'organisent en trois clics de souris. Plus personne ne se préoccupe des fautes d'orthographe, que ce soit dans les courriers, les livres ou les journaux. Un monde s'écroule. La fidèle secrétaire a vécu. Néanmoins, lorsque Faustine quitte les bureaux d'Elisabeth, tout espoir n'est pas forcément perdu. Le mieux qu'elle puisse faire, suggère maman, c'est de trouver le job d'assistante. C'est à la mode. Et se ranger des voitures jusqu'à la retraite. Après tout, il y a encore Nestlé, Tetra Pak et Philip Morris qui embauchent. Bien sûr, Elisabeth est extrêmement déçue et se montre très mauvaise perdante. Pendant les derniers jours de la présence de Faustine, qui tient tout de même à terminer certaines commandes par amour du travail bien fait, sa consœur lui mène une vie infernale. Deux crises de larmes en reproche, deux tentatives de culpabilisation en dévalorisation, la pauvre Faustine ne sait plus à quelle sainte se vouer, si ce n'est cette pauvre Rita, patronne des causes désespérées. Elle finit par craquer et repartir dans la funeste spirale, alcool et médicaments. Maman a beau lui confirmer qu'elle a bien fait de laisser tomber avant que cela ne lui coûte trop cher, c'est le cœur lourd qu'elle ramène ses affaires au boulevard de Grancy. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie ?